Dites donc. Dites donc. Il paraît. Mais il se trouve que j'habite à Meurthod. Donc allez, on va se retrouver demain matin. Après, bah écoutez, la semaine démarre bien en tout cas. Au niveau passage d'antenne, je trouve qu'on a repris un peu le dessus. Oui, c'est bon, on s'était un peu laissé aller, mais là, ça y est, on est revenu. Vous portez des lentilles ? Oui, très bien. Les lentilles, la saucisse de Meurthod. Oh là là, bon, c'est magnifique. On a fait un tour complet. On laisse reprendre les choses en main. Plus, ça serait abusé. Merci. À demain matin. Alors, en plus, on a plein de choses là en direct, notamment écouter le cas de cette dame qui appelle pour son fils. Mon fils vit dans un appartement dans des conditions impossibles. Le robinet de la cuisine n'est pas réparé. Les prises électriques ne sont pas aux normes. Dans la salle de bain, il n'y a pas de joint. La mezzanine de son lit s'est soudée du mur. Une partie du plafond du couloir s'est même écroulée. Et dans le couloir, il faut même mettre un seau d'eau au milieu du passage. L'objectif, que l'agence fasse immédiatement le nécessaire pour remettre en état l'appartement le plus rapidement possible, car je suppose qu'il doit payer le loyer plein pot. Des photos, me dit-on, en plus, sont en ligne actuellement sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Deuxième cas, c'est toujours de l'appartement, puisque vous l'avez compris, c'est une spéciale « Votre logement ». Je vous appelle de Vivry. J'ai rendu mon appartement en août dernier. Il était en parfait état. J'ai même refait la peinture de cet appartement. Malgré cela, le bailleur ne me rend toujours pas le dépôt de garantie de 715 euros. Et puis, il y aura le cas de Mawaeb. Vous le savez, c'est le gros cas de banque. Cette jeune fille de 20 ans, victime d'une injustice, on lui a piqué ce qui arrive. Ses papiers d'identité, les voleurs ont été ouvrir 3 comptes. Elle est plumée, il n'y a pas d'autre chose à dire. On lui a coupé, clôturé son propre compte. Eh bien, elle avait un rendez-vous à la banque. Nous en saurons plus dans quelques instants. Autour de moi, il y a ce matin la grande Maître Felloneau, qui est là, votre avocate. Bonjour Julien, bonjour à tous. Hervé Pouchol pour négocier. Bonjour. JB, Charlotte, Céline, toutes les équipes de Alain Hazard. C'est Xavier Kassovitch qui réalise. La semaine démarre. Nous sommes au taquet. Nous n'avons qu'une envie, vous aider. Et vous êtes sur RTL. Vous pouvez nous joindre en direct en composant le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Ou bien gratuit, Facebook, la page Ça peut vous arriver, ou RTL.fr, vous cherchez la rubrique Ça peut vous arriver pour nous laisser votre message. Si tu t'es arnaqué, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. Des photos sont donc en ligne sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver pour le prochain cas. J'accueille maintenant Mibridge. Bonjour Mibridge. Bonjour Julien. Alors déjà, première question, Mibridge, est-ce que vous allez bien ? Très bien, bah écoutez, encore mieux à cet instant-ci. Bon, et Mibridge, c'est de quelle origine ? C'est grec mon prénom. C'est grec, Mibridge, alors j'aurais pas parié là-dessus. Non, moi non plus. D'accord, ok, bah écoutez, on savait pas, on hésitait entre deux, on s'est dit c'est Mibridge, mi-raison, on savait pas trop. Mibridge. Voilà, la semaine démarre vraiment bien. Il y en aura plus d'autres jusqu'à la fin de l'émission. Oh, c'était la seule. Alors, Mibridge, allez-y, racontez-nous. Et nous sommes là pour vous écouter, surtout pour vous aider, Mibridge. Allez-y. Alors, Julien, merci déjà d'avoir fait un retour à mon message. Écoutez, Julien, depuis le 5 septembre, j'ai loué un appartement pour mon fils qui est étudiant. Cet appartement, nous l'avons visité fin août avec des travaux à réaliser. L'agent immobilier qui nous l'a fait visiter s'était engagé verbalement auprès de nous à faire les travaux avant que Gauthier n'entre dans cet appartement fin septembre. Donc depuis début septembre, nous payons cet appartement. Alors quel est le montant du loyer, s'il vous plaît, Mibridge ? 395 euros. Pour une superficie de ? 39 mètres carrés. Voilà, donc c'est quand même un loyer, hein, tout à fait normal, il n'y a pas une grosse promotion là-dessus. Et il s'était donc engagé à faire quelques travaux, c'est ça ? Tout à fait. Alors, des travaux concernant l'escalier qui monte à la mezzanine, puisque sur le côté de l'escalier, il y avait des cales en bois que nous avons tout de suite remarquées. L'escalier commençait à se déceler. Le robinet de cuisine n'avait même plus de joint. Hein, les flexibles sont à nu. On doit soulever le robinet pour tirer de l'eau. Le bac de douche, je vous passe franchement les détails, bon. Il était dans un état pitoyable. Je vois, j'ai la liste sous les yeux. Le robinet de la cuisine n'est pas fixé, des prises électriques ne sont pas aux normes dans la salle de bain, voilà. Il n'y a pas de joint, le bac de douche est fissuré, c'est de pire en pire, la mezzanine s'est dessoudée, il craint pour sa sécurité, il y a des fuites dans le couloir, et la tête, et la tête, alouette, alouette. Et nous allons les appeler dans une seconde, Mibridge. Bon, alors, Maître Felloneau, vous allez s'il vous plaît maintenant nous faire une petite analyse analyse juridique et il faut maintenant, parce que si encore on lui disait, écoutez, vous ne payez pas le loyer le temps qu'on fasse les travaux et tout, mais non, là c'est double peine, il paie plein pot et l'appartement il n'est pas vraiment habitable. Alors, il est effectivement habitable de façon difficile avec un lit qui est totalement, qui menace de s'écrouler, surtout pas de robinet à la cuisine, etc. Donc la litanie continue et surtout des promesses non tenues par l'agence qui représente le propriétaire. Oui, ils vont venir, oui, l'entreprise traîne les pieds, etc. Mais enfin, écoutez, là, alors non, effectivement, ne payons pas le loyer. Non seulement ils payent le loyer, pardon, et ils perçoivent les APL maintenant, directement. Ah oui, en plus. Donc eux, ils touchent la double. Mais est-ce qu'il était inscrit quelque part qu'il devait y avoir des travaux ou ça a été dit verbalement? Pas du tout. Alors, ça résulte de l'état d'entrée des lieux. Et tous les défauts, les prises des scellés, il n'y a pas de robinet, si vous voulez, qui tienne à l'évier, par exemple. Eh bien, tout ça, c'est à la charge, évidemment, du propriétaire qui les a lui-même fait constater par son représentant. C'est quand même embêtant, ce que vous nous dites qu'il n'y a pas de robinet, parce que tu vois, à un moment donné, tu as envie de boire un coup. Chérie, tu l'as mis où, le robinet? Ah, je crois qu'il est dans les affaires d'hiver. Je vais le chercher parce que je voudrais me servir un verre d'eau. Nous allons nous retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Est-ce qu'on est prêt à faire le numéro, Céline? Mais oui, tout à fait. Dans une seconde, spécial logement, spécial votre appartement. Vous savez, on parle beaucoup du pouvoir d'achat en ce moment, les gilets jaunes, etc. Et c'est vrai que tout le monde se bat pour payer l'essence moins cher. Mais nous, ce qu'on fait chaque matin, c'est aussi de la lutte contre le pouvoir d'achat. Parce que quand on vous doit 8000 qu'on ne vous les donne pas, ou que la banque, ou que ci, ou que là, vous a pris des grosses sommes d'argent, ben nous, on vous permet de les récupérer. Et croyez-moi, ça fait du bien au pouvoir d'achat aussi. Alors, dans quelques instants, cas numéro 2. Léone a rendu son appartement en parfait état en août dernier. Elle attend toujours la restitution de son dépôt de garantie, 715 euros. Il existe une radio qui, chaque matin, offre un vrai service à ses auditeurs. Régler les problèmes par la négociation et seulement par la négociation. Cette émission, c'est le 9h30-11h, la plus écoutée de France. Merci à vous, bonne journée. A tout de suite pour l'appel. En France, près de 1000 cambriolages ont lieu chaque jour. Il existe pourtant des solutions pour les éviter. On en parle avec Benoît, expert sécurité Verisure. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. C'est vrai, les cambrioleurs ne prennent pas de vacances, mais ils profitent des vôtres. Notamment en décembre, qui détient le record du nombre de cambriolages. Vous avez un conseil pour nos auditeurs? Par exemple, à la veille des fêtes, évitez de laisser les cadeaux en évidence ou les cartons dans les poubelles le lendemain de Noël. Ah oui. Et n'hésitez pas à simuler au moins une présence les soirs de fête. Et que proposez-vous chez Verisure pour vraiment rassurer les familles? La meilleure solution, c'est la prévention. Chez Verisure, nous vous protégeons grâce à des systèmes d'alarme connectés à des humains 24 heures sur 24. Dès qu'une intrusion est avérée, nous alertons les forces de l'ordre. Merci Benoît pour ces précieux conseils. Retrouvez toutes les solutions Verisure sur verisure.fr. Passez une bonne matinée avec RTL. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur rue-du-commerce.com, c'est la semaine du Black Friday. Et l'enceinte à commande vocale Google Home Mini est à seulement 29,50€ au lieu de 59€. J'ai pas hésité. Résultat des courses, à ce prix-là, j'en mets une dans chaque pièce. Ok Google? Tout Carrefour et rue-du-commerce.com se mobilisent pour vous faire vivre un Black Friday exceptionnel. Profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à 29,50€ au lieu de 59€. Carrefour. Garantie 2 ans, différents coloris jusqu'à épuisement des 8000 pièces. Magasin participant sur carrefour.fr. La CAPEB accompagne les artisans et les entrepreneurs du bâtiment. Rendez-vous dans un instant avec Maryse, conjointe d'artisan qui travaille dans l'entreprise de son mari. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois? Je vois des réductions partout, des prix toujours plus bas. Et cette fois-ci, c'est sur les cuisines. Je vais pas pouvoir résister, je vais refaire ma cuisine. Oui. Jusqu'au 26 novembre, c'est la folie des prix bien faits chez La Paire. Et on vous offre 15% de remise sur tous les meubles de cuisine. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec le cas de Mibridge. Son fils vit dans un appartement où rien ne va, un robinet n'est pas fixé, le bac de douche est fissuré et maintenant la mezzanine commence à lâcher. Il y a des photos sur notre page Facebook. Rapidement, Maître Fellono, il y a des travaux à faire à l'intérieur de l'appartement qu'il loue et je rappelle qu'il paie plein pot, mais il y en a aussi à faire dans les parties communes. Oui, il y a une fuite importante et là c'est de la responsabilité du syndicat des copropriétaires évidemment, mais vous verrez une photo tout à fait éloquente. Il y a des morceaux de plâtre tombés du plafond ou des murs, on ne sait pas bien, et un seau d'eau en plein milieu du couloir. Pratique quand même. C'est parti, l'appel est lancé. Nous appelons pour commencer l'agence. Donc c'est elle qui visiblement encaisse les loyers. Mais je précise que cerise sur le gâteau, les aides au logement du FIS sont directement versées à l'agence immobilière. Donc, nous payons avec la solidarité et c'est tout à fait normal. Et je suis ravi de donner, je vous le dis, une partie de mon salaire à des gens qui, pour qu'ils puissent se loger, mais qui puissent se loger dans des logements décents. Je trouve un petit peu scandaleux qu'on puisse prendre des aides comme ça pour finalement louer des appartements qui ne sont pas louables. Ça, c'est une version que nous donnons. Je ne dis pas que c'est la vraie. Nous interrogeons maintenant ce que nous faisons toujours, la partie dite adverse, pour qu'elle nous donne sa version des faits et qu'elle puisse nous dire « Vous dites n'importe quoi, je vais vous le prouver. » Et plus de 65 000 ventes par an. Orpi. Orpi, numéro 1 pour votre bien. Orpi. Orpi Liberté, bonjour. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL au moment où je vous parle. Serait-il possible d'avoir peut-être monsieur Capel à propos de l'appartement de Gauthier Denecker qui est malheureusement dans un état assez catastrophique et qui n'arrive pas à obtenir les travaux? Alors monsieur Capel ne travaille pas le lundi malheureusement. Ah, alors pouvez-vous me passer quelqu'un qui travaille le lundi et alors il y a aussi je crois madame Decomble. Pareil, Madame Decombe ne travaille pas le lundi non d'accord. plus, malheureusement. Non, vous n'avez pas de chance, vous êtes... ils vous ont mis là pour les remplacer. Madame Ringuet, je vais voir si elle est disponible, je ne sais pas. Déjà. Alors déjà, première bonne grande nouvelle de la matinée, c'est que Madame Ringuet travaille le lundi, parce qu'on n'était pas à l'abri qu'elle prenne aussi le lundi, et il faut rappeler que les agences travaillent le samedi, donc souvent. C'est bien normal qu'ils récupèrent le lundi. Ce n'est pas du mauvais esprit, mais j'étais un peu inquiet, je me suis dit on ne va avoir personne. Alors, nous attendons avant de remonter bien sûr plus haut, est-ce qu'il convient, Maître Fellonneau, je m'en remets à vous, d'appeler maintenant le syndic en leur demandant, parce que les images que l'on a sur le couloir des parties communes où il est obligé de mettre un seau parce que ça coule au milieu, est-ce que c'est... Allô ? Oula, il est tombé dans le seau, justement, peut-être. Ah bon, peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans le seau, effectivement. Le syndic, oui. Alors, c'est le syndic, effectivement, qui a la responsabilité de ça, qui a le pouvoir de faire des travaux d'urgence à condition qu'ils ne dépassent pas un certain montant. Et puis après, si les travaux sont beaucoup plus graves, il faut qu'il requiert l'autorisation de copropriété. Alors, nous avons sur une ligne avec Hervé Pouchol, Orpi Immobilier à Lille. Du mardi au jeudi, de 9h à 12h. C'est pas les bons horaires ? De 14h à 18h. Le vendredi, de 9h à 12h. On va réécouter, mais je pense que si. Ainsi que le samedi matin. Oh là, ces trucs d'horaires, ça me rend fou. Parce que tu sais plus où tu en es. Pour nous joindre, c'est le lundi de 14h à 17h, le mardi de 13h à 15h, le mercredi de 17h à 19h30, le jeudi. Vous êtes bien à l'accueil location. Madame Delerue est indisponible pour l'instant. Mais n'hésitez pas à laisser un message après le bip sonore. Vous essayez merci. D'avoir, oui. S'il vous plaît, le syndic Cornille. On a lancé donc, vous avez entendu MiBridge, deux numéros. Vous me laissez maintenant quelques minutes, c'est toujours comme ça que ça se passe, ça va remonter d'ici quelques instants. Nous entendrons la petite alerte, ça veut dire que quelqu'un est en ligne et nous le basculons sur l'antenne d'RTL en direct pour que tout le monde participe à la négo. Hervé ? Toujours en attente. Allez, ça marche. On va se retrouver donc dans une poignée de secondes avec un deuxième cas. On avait MiBridge, on a maintenant Léone, que de jolis prénoms ce matin. Elle attend depuis le mois d'août la restitution de son dépôt de garantie. Il y en a pour 715 euros. Le dépôt de garantie qui est chanté maintenant par Slimane, qui revient sur RTL avec ce titre qui cartonne, on s'aime. Ils pourront tous nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Parler du ciel, dire que notre histoire n'est pas belle. Prier pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens on s'aime. Viens on s'aime. Allez. Il s'appelle Slimane, il est sur RTL ce matin, il est 10h moins le quart, un premier cas a été lancé il y a quelques instants. Avant d'attaquer le deuxième, je voudrais juste qu'on fasse un point là-dessus, c'est le cas de Mibridge. Son fils vit dans un immeuble dans un état déplorable, fuite dans le couloir, plafond qui s'effondre et l'intérieur de l'appartement n'est pas mieux. Allez voir les photos sur la page Facebook de l'émission. Nous avons donc lancé deux appels, un à Orpi Immobilier à Lille, Hervé Pouchol. La personne qui a la clé du problème, c'est Isabelle Ringuet, c'est le manager, elle est actuellement en réunion, mais la jeune fille que nous avons eue au bout du fil a eu la gentillesse de lui envoyer un petit SMS, donc elle devrait nous rappeler d'ici 10h. Maître Felloneau ? Moi, je voudrais quand même souligner l'exaspération de Mibridge, parce que pour faire les travaux, il fallait que son fils soit là pour ouvrir la porte. Et en fait, il est parti là, une semaine chez ses parents, rien n'a été fait. En plus, maintenant, vous savez, il y a les APL qui doivent permettre de réduire le montant du loyer d'autant. Et la CAF aurait dit à Mibridge qu'elle versait cet argent depuis le mois d'octobre. Or, le loyer de novembre est payé, rien n'a été défalqué. On va voir ce qu'il faut en décembre. Mais je veux dire, ça fait trop de choses. Évidemment, on attend donc Orpi, on va peut-être remonter, mais on attend encore un tout petit peu avant de remonter au siège. Deuxième appel, il a été donné au syndic, Céline. Alors, c'est le cabinet Cornille Immobilier. Je suis en ligne avec le gestionnaire, mais qui ne souhaite pas s'exprimer à l'antenne. D'accord. Donc, on va essayer d'avancer hors antenne pour voir sa position. Bon, il est grand temps maintenant de lancer donc le deuxième cas, c'est celui de Léone. En août, elle quitte son appartement. Elle s'attendait à ce que sa caution lui soit rendue sous deux mois, et pourtant, elle n'a toujours rien reçu. Eh bien, nous allons lancer les appels, nous allons nous occuper de vous. Profitez-en si vous avez des problèmes de logement. Là, sur Twitter, on a reçu là, un locataire qui nous dit « Vous rendez compte qu'avec les voisins, on a dû mettre des étés dans les parties communes de peur qu'elles s'effondrent parce que la copropriété ne fait rien. » On vous attend. C'est soit le 3210, soit le Facebook, la page, ça peut vous arriver. À tout de suite. Les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux après 50 ans. Ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie et celle de leurs proches. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Mireille, vous avez 68 ans et votre mari souffre de troubles urinaires. Quelles en sont les conséquences au jour le jour ? Je dirais plutôt nuit après nuit, parce qu'il est obligé de se lever et ça me gêne autant que lui puisque ça me réveille. Rassurez-vous Mireille, les troubles urinaires de votre mari ne sont pas une fatalité. Ils sont même plus fréquents avec l'âge. En plus de conseils hygiéno-diététiques simples, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, évitez de grignoter. RTL. On a tellement de choses à se dire. L'instant d'Arty. Tu vois ce grand trou dans le mur de ta cuisine ? Oui. Eh ben, j'ai peut-être une idée. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 26 novembre, le four encastrable Fort Classe A+ est à 349€ au lieu de 599, soit 250€ d'économie. Référence FOP 67902XU. Black Friday, vendredi fou. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, vous connaissez la nouvelle ? Non, je sèche, c'est quoi ? C'est quoi ? Les noix sèches. Aujourd'hui et demain chez Lidl, le kilo de noix sèches est à 3,99€. Moins de 4€ le kilo de noix ? Moi j'y crois pas, c'est encore un prix à la noix ça. Non, c'est le vrai prix, 3,99€. Et origine France les noix, hein. Oh, c'est vraiment les rois de la noix. J'en prends, avec une barquette de mâche. Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Tiens, tu lis le nouveau détective. Eh oui, il n'y a que dans ce journal que je trouve des histoires passionnantes. Ah, et c'est sur les faits divers ? Oui. Oh, t'as tous les détails de l'enquête, hein. Des témoignages incroyables. Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1. Hein. C'est mon petit plaisir du mercredi. Le nouveau détective. Des vérités que vous ne lirez nulle part ailleurs. 1,60€ seulement. Vous avez hâte de rentrer chez vous, non ? Ah, je vous vois déjà vous détendre au coin du feu. Et tout ça grâce au conduit et sortie de toit Pujula. Facilité d'installation, confort et économie, ça change la vie. Un projet de chauffage ? Trouvez votre installateur Pujula sur pujula.fr. Lors de mes voyages, j'ai côtoyé le meilleur, mais j'ai aussi vu le pire. J'ai vu des familles perdre leurs terres et des enfants souffrir de la faim. Même si ces enfants ne sont pas les miens, j'ai décidé de faire un legs, parce que l'humanité est une seule et grande famille. Avec le CCFD Terre Solidaire, j'apporte ainsi ma pierre pour construire un monde plus juste. Demandez notre brochure legs. Appelez au 01 44 82 80 82. CCFD Terre Solidaire. Tous humains contre la faim. Leclerc. Chérie, du 20 au 24 novembre chez Leclerc. Des offres exceptionnelles, des promos, des remises. Bref, c'est Black Friday chez Leclerc. Black Friday, Black Friday ? Oui, oui, Black Friday, Black Friday. Et avec cette année encore, plus d'offres sur le site blackfriday.leclerc. Du 20 au 24 novembre. Voilà. Du 20 au 24 novembre, profitez du Black Friday chez Leclerc. Retrouvez toutes nos offres exceptionnelles en magasin et sur www.blackfriday.leclerc. Et quand il y a Black Friday chez Leclerc ? On est chez Leclerc. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Revenons sur le cas de Embridge qui appelle pour son fils qui vit dans un appartement où beaucoup de choses ne vont pas, on est d'accord ? Et oui, allez voir les photos sur la page Facebook de Ça peut vous arriver. Vous verrez un couloir inondé avec des morceaux de plâtre au sol. C'est l'immeuble où vit le fils de Embridge. Apparemment, mon micro ne marche plus. Donc, je le dis aux auditeurs, je change le micro, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là ? Et là, ah ben là, ça va bien. Ah ben, il a lâché le premier. Bon. Écoutez, avec ce que je lui mets, hein, excusez-moi, il entend des trucs, le micro, là, les blagues, il s'est dit maintenant, ça suffit. Gilet jaune, d'ailleurs, j'avais un petit micro avec une bonnette rouge, elle est devenue jaune. Maintenant, je me plains, je demande la démission de Julien Courbet. Où en est-on, s'il vous plaît, Hervé Pouchol ? Nous étions en ligne avec le syndic de l'immeuble. Eh bien, vous avez Jean-Bernard Cornil, c'est le syndic de l'immeuble de Gauthier. Bonjour, monsieur. Ah ben, on a un vrai problème. Malheureusement, là, j'ai la table. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Je reviens vers vous. Oui, alors. Attends. Oui, m'entendez-vous, monsieur ? Très bien, bonjour. Pardonnez-moi, on a des problèmes techniques, on a les micros qui lâchent les uns après les autres. Alors, simplement, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui. Et nous parlons d'une copropriété qui se trouve, si je ne m'abuse... ça se trouve où, Embridge ? Avenue Lafayette. Voilà, c'est celle, qui est avenue Lafayette à Tourcoing, où on a un jeune homme qui vit là-bas dans des conditions un peu compliquées, parce qu'à l'intérieur de l'appartement, ça ne vous concerne pas, il y a beaucoup de choses à faire, mais apparemment dans les parties communes aussi, ils sont obligés de mettre des seaux parce que ça s'inonde, etc. Où en êtes-vous, vous, par rapport au vote des propriétaires ? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui sont prévues ? Ah oui, alors donc bonjour à tous. Bonjour. Sur cet immeuble, donc c'est un immeuble, un bâtiment d'usine ancien, donc on a beaucoup de problèmes de fuite un peu partout sur toutes les toitures. En plus, comme je disais tout à l'heure, donc on n'a même pas eu de dommages ouvrage puisque le promoteur n'a pas payé les primes d'assurance, donc c'est un peu la totale. C'est pas vrai. Aïe. Donc là, dans ce cas-là, l'année dernière, on a déjà fait des travaux de toiture pour à peu près 9000 euros, juste pour reprendre les fuites de verrières et de toitures qui étaient sous-jacentes à ce couloir. Il s'avère que donc c'est pas suffisant. Donc là, on a programmé une recherche de fuite par une société régionale, une recherche de fuite qui est prévue sous 15 jours pour connaître et effectivement d'où vient cette nouvelle fuite qui apparaît dans ce couloir, sachant que dans ce couloir, ce sont des dalles de faux plafond. Qui sont tombés, c'est pas tout le plafond qui ah non, mais ça ne va plus tarder visiblement dans l'état où c'est. Mais qu'est-ce qui est donc est-ce que c'est prévu, est-ce qu'il est prévu des travaux là très rapidement? Bah moi déjà la recherche de fuite qui est réalisée, donc l'origine de fuite sera bien détectée, évidemment je ferai des travaux, puisqu'au niveau budget il y a différentes choses qui sont prévues et j'ai une marge de manœuvre qui me permet d'intervenir à ce niveau-là. Bon, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Maître Fellonneau. Oui, effectivement. Bon alors d'abord on est content et rassuré de voir que vous faites le nécessaire, parce que pour le locataire qui habite en plus au rez-de-chaussée, lui de buter, quand dans le seau, c'est pas très agréable, ça peut être dangereux. Voilà, si vous trouviez un moyen par exemple pour fixer quelque chose, un seau un peu plus haut, enfin je ne sais pas, mais c'est vrai que par terre c'est quand même embêtant, puis ça abîme tout le plancher. Hein. Merci monsieur, tenez-nous au courant, enfin on espère pour Mibus que les travaux seront faits rapidement. Merci à vous en tout cas. Oui, je vous en prie. Alors maintenant, il n'empêche qu'il faut que l'on revienne sur l'agence, il paie plein pot ses loyers, l'agence touche les APL et apparemment il y aurait une alerte avec Hervé Pouchol. Qui est en ligne, Hervé, s'il vous plaît ? Écoutez, la gérante de l'agence, madame Ringuet. Bonjour madame Ringuet. Bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Pardonnez-moi de vous déranger. Je refuse de passer à l'antenne, monsieur. Alors, je vais vous prendre en antenne, ça vous va ? Très bien. Allez, hors antenne, c'est parti. Hervé, vous récupérez cette dame, elle n'est plus à l'antenne, et vous lui expliquez le but de notre appel. Vous lui parlez bien des APL, Hervé qui est reparti avec son téléphone, et du loyer. Ça bouge bien de ce côté-là, il va falloir attaquer maintenant le deuxième cas. On y va, on accueille Léon. Léon, bonjour. Bonjour Julien. Allez Léon, c'est à vous. Bienvenue sur RTL, vous nous appelez d'où Léon ? Je vous appelle des Yvelines, un voisin de Bretonneux. Allez, on y va, on vous écoute Léon. Alors, je remercie déjà toute l'équipe. Je vous en prie. Ça vous a coûté suffisamment cher. Vous n'avez pas à nous remercier parce que c'est, je le rappelle, entre 10 et 20 000 euros pour passer sur l'antenne d'RTL. Ah, c'est une. Allez-y, Léon, c'est gratuit. Alors, ensuite, j'ai quitté mon appartement à Vélizy-Villacoublay le 9 août pour un bail qui prenait fin le 20 août. Et depuis, le mois de novembre, j'ai commencé à contacter mon bailleur pour obtenir le remboursement de ma caution qui venait pas. Donc régulièrement, les matins, j'appelais et je tombais sur l'accueil qui me disait que la dame en charge de mon dossier n'était pas joignable. Donc ça fait plus d'un mois que ça dure. Et j'envoyais des mails et j'ai toujours pas de réponse. Aujourd'hui, je ne sais pas où s'en est le remboursement de ma caution. Je vous pose la question, Léon. Quand vous entrez dans l'état des lieux, quand vous entrez dans l'appartement, que dit l'état des lieux ? Quand j'ai l'état des lieux d'entrée ? Oui, il était mauvais. Enfin, est-ce qu'il était non, marqué ? Non, il était en bon état. Bon. Il y avait des problèmes de taille sur le mur, dans le salon. Et sorti ? En sortie, on avait fait des trous dans le mur, donc on a rebouché. Avec la gardienne, on a vu qu'il fallait repeindre les murs. Donc on a repeint tout l'appartement pendant 3 jours, mon compagnon et moi. On a nettoyé toutes les vitres, on a même enlevé la mousse et la moisissure sur le d'accord. balcon. D'accord. Alors, Maître Fellounou, de toute façon, là, visiblement, l'état de l'appartement a été accepté. Alors, effectivement, c'est-à-dire que les petites remarques qu'avait faites la gardienne, eh bien, ont été levées grâce à la réaction des locataires, ce qui est d'ailleurs un bon enseignement, c'est-à-dire que vous avez le droit, c'est très intéressant de faire l'état des lieux de sortie quelques jours avant que vous restituiez les clés, comme ça vous pouvez faire le nettoyage qui vous est reproché vous-même, etc., de façon à pouvoir conserver 100% de la caution. Il reste juste une petite, il manque sur la plainte électrique, il manque un petit cash, ça vous n'avez pas pu le remplacer, mais ça ne vaut pas le bien montant sûr. De la caution. Qui est de 715 euros, rappelez-nous voilà en 2 secondes. C'est un. Qui veut gagner des millions ? Combien le propriétaire de temps pour rendre la caution ? 1 mois si l'état des lieux n'est pas contesté, 2 mois s'il est contesté. Quand l'on me prépare l'appel, nous allons dans quelques instants essayer d'avoir le propriétaire pour savoir pourquoi il garde les sous. Nous attendons des nouvelles de l'agence sur le cas numéro 1. Nous avons eu le syndic et nous continuons à appeler et à nous battre pour vous. D'autres cas arrivent bien sûr. Vous êtes sur RTL, la radio qui s'occupe aussi de votre logement. On négocie pour vous et on le fait avec plaisir. Allez, bonne semaine à vous tous en ce lundi 19. Et si nous avions tous la peau fragile ? Aderma est la marque de dermatologie végétale à l'avoine réalba, une plante unique issue de l'agriculture biologique française. Aujourd'hui, Aderma lance sa nouvelle huile lavante nutritive Exoméga Control. C'est pour toutes les peaux sèches ? Toutes les peaux sèches qui grattent, du nourrisson à l'adulte. L'huile Exoméga Control nettoie en douceur grâce à sa formule biodégradable riche en ingrédients d'origine naturelle. Parce que si notre peau est fragile, la nature l'est aussi. Aderma, mieux dans sa peau, même fragile. En pharmacie et parapharmacie. Intersport. Thomas a toujours eu du mal avec le mois de novembre. Ouais, quand il fait moins de 20 degrés, moi je sors plus. Mais depuis qu'il a profité des remises exceptionnelles du Black Friday... Il fait 5 degrés, c'est cool, je m'habille et je vais courir. Chez Intersport, du 19 au 25 novembre, c'est le Black Friday. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 30% sur les vêtements et les chaussures. C'est 30% de réduction et 100% d'activités sportives en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Intermarché vous propose d'écouter des couteaux Vivo à 1 euro. Chérie, tu me passes le sel, s'il te plaît. Oui, chef. Tu peux éviter de crier comme ça. Oui, chef. Ah non, mais ça va être pénible. Chef. Cuisiner comme un grand chef. En ce moment, les couteaux de cuisine Vivo sont à 1 euro seulement en collectionnant les vignettes chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 23 décembre, offre réservée aux porteurs de cartes de fidélité. Modalité complète sur collectionvivo.intermarché.com. en ce temps chez Renault. Ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 euros, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 euros si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. Tu te rends compte? C'est pas un jour, c'est pas deux jours, c'est pas trois jours, c'est... C'est toute la semaine, la Black Friday Week chez Saint-Maclou. Et si nous avons décidé de prolonger le plaisir, c'est pour que vous ayez le temps de profiter de 20% de réduction sur tout le magasin. Oui, 20% sur les parquets, vinyles, tapis, papier peint. Le genre d'offre qui n'arrive pas tous les jours, mais toute la semaine. Saint-Maclou, on fait tout pour que ce soit beau chez vous. Offre valable jusqu'au 26 novembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Black Friday Week, semaine du vendredi noir. C'est le Black Friday. Mais bien sûr qu'il faut en profiter, tout le monde. Mais là, on n'est pas là pour ça, on est là pour régler vos cas. Ça sera dans quelques instants, juste après les infos. Vous êtes sur la radio numéro 1. What's the sense in sharing this one and only life? Out, 10h. L'information, c'est avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Barrage filtrant, paralysie de plusieurs dépôts pétroliers. Troisième journée de mobilisation des Gilets jaunes. Dans l'Est, blocage sur la Nationale 4 au rond-point de Sceaux. Les poids lourds sont coincés. Plusieurs bouchons sur l'A35 à l'entrée de Colmar. À Schirmeck aussi, où les Gilets jaunes bloquent un tunnel. C'est très perturbé encore dans le Nord, sur la 47 de Lens vers Lille, aux entrées de Léquin, sur l'échangeur d'Arras sur l'autoroute A1, sur la 16 à Calais, à Saint-Omer sur la 26 et la Nationale 2 est coupée à Maubeuge. En Normandie, à Caen, une partie du périphérique est fermée dans les deux sens. Des barrages filtrants autour de Rouen sur la Nationale 338, mais aussi au Havre et à Dieppe. À l'entrée nord de Sens, les camions ne passent toujours pas. Philippe de Maria, vous êtes à Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Et le pont d'Aquitaine est coupé. Oui, le pont d'Aquitaine, c'est la principale voie d'accès à Bordeaux, large de 2 fois 3 voies. C'est la rocade de Bordeaux. Et les salariés qui viennent du nord du département travailler sur la métropole empruntent le pont. Mais depuis cette nuit, il est désespérément vide. Un barrage de troncs d'arbres empêche tout véhicule de rouler sur la rocade. Et ceux qui parviennent jusqu'au barrage doivent faire demi-tour. On va mettre le feu, reculer. Reculer, je vous conseille, reculer. Ça commence à bloquer sur la 89. Il n'y a pas de police, donc on n'est pas filtré. L'entrée sur la rocade est normale et puis c'est après qu'on s'aperçoit que tout est bloqué. Là, moi, je pars à Issac, je travaille chez Ariane Group. Globalement, je soutiens le mouvement parce que je fais quasiment 80 km de route par jour. Donc effectivement, l'ensemble des charges qui nous pèsent au quotidien, c'est de pire en pire. Plus au nord, la barrière de péage de Virsac sur l'autoroute A10 a été dégagée par les forces de l'ordre ce matin, mais il faudra plusieurs heures pour la remettre en état et ouvrir ce tronçon d'autoroute Paris-Bordeaux à la circulation. Philippe de Maria à Bordeaux pour RTL. Tous les correspondants et les reporters de RTL sont mobilisés. Nous ferons un point toutes les heures. Et rendez-vous aussi sur le site RTL.fr. La Bourse de Paris ce matin, le CAC 40 a ouvert à la hausse de plus 0,31%. Les courses, ça se passe à Vincennes cet après-midi. Et voici les pronostics de Claude-Pierre Santi. Le 10, le 7, le 14, le 8, le 2, le 11, le 4... Le 5 de la dernière minute, c'est le 14, Barrio Josselin. Le temps pour cet après-midi, c'est bien ensoleillé dans l'ouest, plus nuageux dans l'est avec des pluies dans le Roussillon et en Corse. Quelques faibles chutes de neige ce soir, dès 400 mètres, le Jura, les Alpes, le Massif central. Et puis la neige arrivera en pleine la nuit prochaine. Les températures plus froides, 3 degrés à Clermont-Ferrand cet après-midi, 5 à Orléans, Bourges, Strasbourg, Metz et Lyon, 6 degrés à Lille, Amiens, Paris, Nantes et Rennes, 7 degrés à Aurillac et Grenoble, 10 à Nîmes et Bordeaux, 11 à Biarritz et Perpignan, 13 à Marseille, 14 degrés à Ajaccio. 10h et 3 minutes. Bonne journée à tous sur RTL. Ça peut vous arriver, ça reprend avec Julien Courbet. Et on vous retrouve tout à l'heure à 11h, Bénédicte. Effectivement, voici le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France, qui vous permet chaque matin d'avoir peut-être une résolution à votre problème uniquement par la négociation. Et nous pouvons que vous conseiller d'aller devant un tribunal si vous le souhaitez. On part du principe qu'il est toujours mieux de négocier un peu pour des cas qui ne sont pas aussi importants que ça. Et ça marche. Donc nous allons continuer. Nous faisons le point sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30 sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Charlotte, nous avons démarré avec Mi Bridge. Dans l'appartement de son fils, il y a un robinet pas fixé, des prises pas aux normes et une mezzanine qui se détache du mur. Nous avons téléphoné donc à l'agence Orpi où nous avons eu une dame qui nous a dit « Je veux bien parler, mais pas à l'antenne ». Hervé, est-ce que vous avez pu continuer avec eux ? Alors j'ai discuté avec cette dame qui est le manager de l'agence. Elle me dit plusieurs choses. Elle me dit tout d'abord qu'elle a tenu au courant Madame Denecker régulièrement par mail. Sûrement. Ça c'est la première chose. Ensuite que l'essentiel a été pris en compte. Elle a sollicité deux entreprises. Il y en a une première qui était défaillante. Donc elle a remplacé cette entreprise par une autre qu'elle va rappeler pour que les travaux soient faits le plus rapidement possible et elle doit me rappeler d'ici la fin de l'émission. Alors moi je voudrais juste dire à cette dame merci déjà de nous parler et deux, nous entendons tous les jours, non mais on les tient au courant, tenir au courant, si vous avez par exemple des blattes, des cafards, des fuites d'eau, le fait qu'on vous tienne au courant, vous savez aujourd'hui j'ai appelé trois entreprises, aucune ne veut venir, ah ben tant mieux, non, quand on dort dans un appartement où il y a des fuites d'eau, on veut que ça soit réparé à la fin de la semaine, ou alors que l'on nous dise tu ne vas plus payer le loyer le temps qu'il me faudra pour trouver une entreprise. D'autre part, je rappelle qu'il y a des APL qui seraient touchés directement. Alors après, je ne dis pas que Orpi les garde pour eux, et elle les redonne certainement aux propriétaires, mais là, il faut aller très très vite. Ah non, mais c'est-à-dire qu'une fois que l'APL est touchée par le propriétaire, avec l'accord du locataire, hein, tout ça, c'est pas du tout fait en douce, elle doit le défalquer du montant du loyer. Or, depuis octobre, ah, c'est pas fait. Si le CAF a bien donné les bons renseignements, ce serait payé et non pas défalqué. Oh là, notre ami Bimbridge vient de me le confirmer encore à l'instant. Vous lui avez dit ça, la dame ? Absolument. Elle m'a dit que l'allocation logement était tombée le 5 novembre et qu'elle allait être défalquée. Bon, très bien. Céline ? Oui, c'est exactement ça. Il y avait eu des échanges de mails par rapport à ça. Tout devait être régularisé d'ici décembre. Alors, si d'ici quelques temps, malheureusement, et ça, Bimbridge va nous tenir au courant, il ne se passe rien, ça partira chez nos amis de demandezjustice.com parce que là, on ne peut pas vivre dans des conditions comme ça et payer un loyer. Voyez, plein pot, ce n'est pas possible. Donc la dame n'est plus en ligne avec vous de chez Orpi ? Non, elle appelle l'entreprise et elle me rappelle le plus rapidement possible. D'accord, donc on peut dire que Orpi, c'est fini. Orpi, c'est fini. Et dire que c'est le verre de mon premier appart. Nous allons donc passer aux règles d'or avec vous maintenant, s'il vous plaît, Maître Felleneau. La règle d'or sur RTL. J'arrive dans un appart, ça nous est tous arrivé, il est dans mauvais état et j'ai pas envie de le louer du coup, mais on me dit ne vous inquiétez pas, les travaux seront faits. Comment puis-je me garantir de la chose ? Alors, y a que la bonne foi de votre propriétaire qui vous permet de signer et puis surtout le manque cruel de logement pour les jeunes qui effectivement arrivent à accepter de prendre des appartements qui ne sont pas habitables de façon décente. Donc effectivement, voilà, le propriétaire doit le faire, mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception en disant sinon je vous demanderai une baisse de loyer. Donc il faut le faire de façon sérieuse. Est-ce que Bimbridge est en ligne avec nous ? Toujours Julien. Bon, Bimbridge, apparemment ça va un petit peu bouger. On se laisse quelques jours pour voir si l'agence Orpi bouge. Sinon, on revient sur l'antenne fin de semaine prochaine si vous n'avez pas de nouveau et on se permettra d'appeler le siège. Est-ce que vous êtes d'accord ? Tout à fait. Allez, on fait ça, Bimbridge. Vous embrassez votre fils et je vous dis à semaine prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Le cas numéro 2, c'est celui de Léon que nous avons commencé. L'agence immobilière avait 2 mois pour lui rendre sa caution. Pourtant, cela fait 3 mois qu'elle attend. Il faut maintenant lancer l'appel. 715 euros. Et quand on a besoin de ces 715 euros, croyez-moi, on a envie que ça aille très très vite. C'est pour ça qu'elle n'en peut plus, Léon. Essayons de savoir pourquoi on ne lui rend pas sa caution. D'ailleurs, ces problèmes de caution se multiplient. N'hésitez pas à nous joindre sur le 3210 ou Facebook. Attention, but à Guingamp. Une alerte de nouveau avec vous, Hervé Pouchol. Oui, je viens d'avoir, et je l'ai encore en ligne, le manager de l'agence Orpi à Lille qui a appelé l'entreprise, qui lui a confirmé que elle avait laissé un message au fils de Madame de Ringuet le 13 novembre. Ah, est-ce que vous pouvez me le confirmer si elle est toujours en ligne ? On vient de la rappeler parce qu'elle avait raccroché. Alors, attendez, on la récupère, on va lui demander hors antenne si effectivement son fils est au courant qu'ils ont appelé le 13 novembre pour fixer une date. Oui, le 13 novembre, ils ont laissé un message. Vous essayez de savoir ça, Céline, on se retrouve dans une seconde pour savoir. Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur rue-du-commerce.com, c'est la semaine du Black Friday. Et l'enceinte à commande vocale Google Home Mini est à seulement 29,50€ au lieu de 59€. J'ai pas hésité. Résultat des courses, à ce prix-là, j'en mets une dans chaque pièce. Ok Google ? Tout Carrefour et rue-du-commerce.com se mobilisent pour vous faire vivre un Black Friday exceptionnel. Profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à 29,50€ au lieu de 59€. Carrefour. Garantie 2 ans, différents coloris jusqu'à épuisement des 8000 pièces. Magasin participant sur carrefour.fr. Dans 6 pays. Chez Nocibé, c'est Black Friday pendant 10 jours. Chaque jour, 3 ventes flash, 2 produits de grande marque à moins 40% et 1 produit Nocibé à moins 50%. Profitez-en vite en magasin et sur nocibé.fr. Jusqu'au 25 novembre dans la limite des stocks disponibles dans les magasins participants et sur nocibé.fr. Pendant ce temps, chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 euros, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 euros si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. Écoutez le 9h30-11h sur RTL. 9h30-11h sur RTL avec donc le deuxième cas. Non, on revient sur Mi Bridge. Est-ce qu'elle a eu son fils ? Alors oui, on est en ligne avec Mi Bridge, avec donc la maman. Apparemment, l'entreprise aurait laissé un message sur le répondeur du fils le 13 novembre pour intervenir. Le fils dit à sa maman qu'il n'a pas de nouvelles, qu'il n'a jamais eu ce message. Et Mi Bridge demande donc à la société de juste être en contact directement avec elle et pas d'accord. Avec le fils. D'accord, ah ben ça marche. Donc on avance comme ça. Ça va. On va lancer donc l'appel, si vous le voulez bien, pour le cas numéro 2, pour Léon. C'est parti. On rappelle donc que Léon veut récupérer son dépôt de garantie de 715 euros. Bienvenue chez Inly. Pour continuer, wow. Appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Alors, on appuie sur la touche étoile du téléphone. Vous êtes locataire ou ancien locataire ? Tapez 1. Vous êtes candidat avec un dossier en cours d'appel. Ancien locataire, peut-être ? Oui, on va taper 1. Pour faciliter la prise en charge de votre appel, veuillez saisir les 6 premiers chiffres de votre référence client que vous trouvez en haut de votre avis d'échéance. Sinon, veuillez patienter. Un conseiller clientèle va prendre votre appel. Alors, quelqu'un répond ? Non ? Nous patientons. Bon, vous savez quoi, vous allez me faire la petite alerte dès que mais quelqu'un oui. Chez Inly. Inly, c'est une agence visiblement pour essayer de récupérer ce dépôt de garantie de 715 euros. Qu'est-ce qui va suivre derrière, puisque nous avons déjà 2 cas de lancer, Charlotte ? On va revenir sur le cas de Mahaweb. C'est le cas banque de la semaine dernière. Sa fille s'est fait voler tous ses papiers et la conséquence, les voleurs ont ouvert 3 comptes en banque à son nom. Ça va se passer dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On me dit que c'est Johnny, je l'avais pas reconnu. Enfin. Oh, le grand Johnny. Nouveauté. Pardonne-moi. Ben moi aussi, excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd, si les grands soirs ne valent plus rien, quand vient le jour, j'aimerais t'aimer comme il se doit. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie, comment pourrais-je tromper la mort quand elle sourit? Encore une fois, encore une nuit, pardonne-moi. Si le monde ne te reflète que dans tes yeux, pardonne-moi, si le volcan au fond de moi ne s'éteint pas, si la fureur des souvenirs ne revient pas, personne ne saura mieux que toi, pardonne-moi. Regarde-nous, fermez les yeux face au miroir, il nous foudroie quand la victoire n'a plus de goût, n'a plus d'éclat. Sauvez l'amour, sauvez l'envie une dernière fois. Feel Extrait du 51e album de Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour. Nous sommes sur le cas de Léone. L'agence immobilière avait 2 mois pour lui rendre sa caution de 715 €. Elle ne l'a toujours pas depuis le mois d'août. Alors, où en est-on avec Inly? Nous sommes toujours en attente et on me dit qu'en raison d'un trop grand nombre d'appels, on me conseille d'envoyer un mail. Bien, eh bien, nous allons peut-être pas le faire. Non, peut-être pas. Mais on a un autre numéro, si vous souhaitez. Oui, on va essayer de demander à Florence Kininon, elle s'appelle comment, ou Adeline Pinto, qui s'occupe de ça. Nous avons peut-être le directeur général Antoine Pinel, Benoît Appart. Oui, non, mais non, lui, c'est le maire. On va pas remonter jusqu'au maire, quand même, pour une histoire de caution, pour, dans un premier temps, pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un autre numéro? Est-ce qu'on appelle la gestion locative? Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Eh bien, oui. S'il vous plaît, allons sur la gestion locative. C'est parti. Allez, on y va. Nous allons tenter donc d'avoir celle que je nommais il y a quelques instants, Florence Kininon ou Adeline Pinto. Donc nous sommes toujours chez l'agence. Allô ? Est actuellement indisponible. Ah. Laissez un message après la tonalité. La tonalité. Lorsque vous avez terminé, raccrochez ou appuyez sur la touche vierge pour obtenir plus d'options. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui laissent un message et qui restent pendant, je sais pas moi, 11 ans, debout avec le téléphone? Mais qu'est-ce que tu fais, Robert? Il dit, oh, pas dit raccrocher, j'attends. Donc, on le fait en général assez naturellement. Bon, vous allez donc essayer de me trouver quelqu'un sur ce dossier-là. Léon, ne vous inquiétez pas. On appelle donc de tout notre cœur nos amis de Inly, I-N-L-I. Alors, je ne sais pas, c'est une agence, ça fait partie du groupe. Avant, ça s'appelait Ogif, il paraît. Oui, c'est un bailleur social. Ah, très bien. Règle d'or sur le dépôt de garantie et sur les états des lieux. Eh bien, elle nous l'a dit tout à l'heure, mais Alain Hazard me propose d'en faire une. Elle nous a expliqué, Maître Fellonneau, le nombre de jours qu'il y avait, etc. Mais à ce moment-là, vous étiez en train de choisir sur Internet un cubiténaire que vous allez vous faire livrer de vin rouge, certainement dans l'après-midi. Allez, on va se retrouver. Si, je vous assure, Alain, on va vous le faire écouter. Mais vous avez le droit de vous assoupir un peu pendant l'émission. Non, mais vous travaillez beaucoup, vous ne pouvez pas tout écouter. Je ne me fais pas livrer un conteneur, Julien. Non, pas un cubiténaire. Un cubiténaire. Alors, non seulement il n'écoute rien, mais en plus, il est bouché. Nous passons donc à l'arnaque en temps réel. Une belle équipe, hein. Bon, franchement, on est assez contents. Temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h, sur RTL. Selon le journal Sud-Ouest. C'est une énorme arnaque. Hein. Trois dirigeants, écoutez bien, de sociétés qui exercent comme opérateurs de téléphonie. Ah, une alerte, on revient toujours sur le cas en direct précédent, qui est en ligne. Nous sommes avec la gestion locative, Madame Pinto. Madame Pinto, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, Madame Pinto. Pardon de vous déranger, je vais être très bref. Je suis avec une auditrice qui attend son dépôt de garantie. Elle a quitté l'appartement de 715 € depuis le mois de juillet. Est-ce que... Depuis le 9 août, pardon. Excusez-moi, parce que je suis en voiture. Ah. Voilà, alors vous patientez 2 minutes. Mais avec plaisir, madame. Au contraire, c'est moi qui m'excuse de vous déranger. On patiente 2 minutes, donc vous récupérez. Oui. Donc écoutez, l'arnaque en temps réel, je la fais dans une seconde et on aura cette dame aussi. Restez avec nous. N'hésitez pas à nous parler de tous vos projets ou vos problèmes. Également d'achat, d'immobilier, vous avez des problèmes d'infiltration, tout ce que vous voulez, achat-vente. C'est une spéciale aujourd'hui. C'est le 3210 ou bien c'est le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Merci d'avoir choisi la radio numéro. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h. Ben je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4 € par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connect ADCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2250 €, puis 60 loyers 120 €. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. Allopneu.com. Prenez la route, explorez de nouveaux espaces avec les pneus Goodyear. Depuis 120 ans, Goodyear innove et relève chaque défi technologique avec le même esprit de conquête. Vous aussi relevez le défi. Allopneu offre jusqu'à 120 € pour un prochain achat de pneus Goodyear et met en jeu 5 000 € de bons d'achat chez nos partenaires. Alors faites-vous plaisir. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 27 novembre 2018. Règlement sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. La revue de presse, c'est ce soir à 20h50 en direct du Grand Point Virgule sur Paris Première. Je suis Jérôme Deverdière et je vais lâcher les fauves. Bernard Mabille, Jacques Maillot et toute la bande. L'actualité politique vue et revue par les ténors de l'humour. La seule émission politiquement incorrecte, c'est la revue de presse et c'est ce soir à 20h50 sur Paris Première. Bonjour, c'est moi le pavé de rhum steak des restaurants La Boucherie. Oui, je sais, je suis bien dodu et j'assume. Pourtant, j'ai maigri. Je veux dire, au niveau de mon prix. J'ai perdu 4 euros quand même. Oui, en ce moment, dans votre restaurant La Boucherie, le pavé cœur de rhum steak, origine France, est à seulement 13,90 €. Et ça me va bien. Pour votre santé, bougez plus. Conditions et adresses sur laboucherie.fr. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons. Dans ce salon, célèbre en chanson, en chanson, en chanson. Jusqu'au 26 novembre, 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99 € par mois pendant 12 mois, puis 24,99 € par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport ARCEP 2018, promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99 € par mois. Détails sur soche.fr. Soche! Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? T'es chez Lidl? Ah oui, et en ce moment, ils font les 4 tomates farcies à 2,49 € les 600 grammes au lieu de 3,19 €. 2,49 € les 4 tomates farcies, 21% de réduction. Oh, la bonne farce. Une bonne farce à la viande, oui. Et en plus, c'est du porc français. Oh, alors là, on peut plus faire face. On est mal. Bah, très mal, forcément. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 4,15 € le kilo, produit transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 27 novembre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Pendant ce temps, chez Renault, ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 € empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 €, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 € si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec le journal Sud-Ouest qui signale que 3 dirigeants de sociétés qui exercent comme des opérateurs de téléphonie alternative viennent d'être mis en examen. Ces chefs d'entreprise basés dans l'agglomération bordelaise proposaient via des centres d'appel des réductions sur les abonnements téléphoniques. Non seulement les commerciaux se montraient insistants et habiles, mais ils se prévalaient aussi de l'opérateur historique pour convaincre des personnes âgées de communiquer leurs coordonnées bancaires. Au final, ces personnes âgées découvraient des prélèvements sur leurs comptes bien plus important que ce que leur coûtait leur ancien abonnement. Au total, il y aurait plus de 3200 victimes. Pour le moment, les trois dirigeants ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer. Alors, Maître Filono, vous le disiez, c'est quand même une énorme arnaque. Énorme. Et alors, d'où l'intérêt de porter plainte? Bon, souvent, on se dit, oh, ça sert à rien. Non, on ne se rend pas compte que l'on peut être un parmi des milliers. Et c'est justement lorsqu'il y a suffisamment de plaintes que l'on peut se rendre compte d'une arnaque et qu'à ce moment-là, tout l'appareil judiciaire peut se mettre en marche. Et c'est comme ça qu'on arrive à repérer ces escrocs, enfin ces potentiels escrocs, mais je parlais dans le cas général, c'est comme ça qu'on arrive à les démasquer. Donc il faut porter plainte. Bien sûr, toujours ne jamais laisser faire, ne jamais laisser s'installer une situation. Le Point Info, il est 10h23 sur tous les cas, s'il vous plaît, rapido. Le Point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Tout a commencé avec Mi Bridge. L'appartement que loue son fils est dans un état déplorable et le pompon, c'est que l'agence percevrait les appels sans les déduire du loyer. Nous avons fini par avoir Orpi, Hervé Pouchol. Apparemment, la dame, la responsable, nous a dit, écoutez, là je contacte bien sûr les entreprises pour qu'elles viennent au plus vite, mais nous devions savoir si Céline, le fils avait reçu un coup de fil de l'entreprise. Alors là, c'est parole contre parole. Le fils nous dit qu'il n'a pas reçu d'appel et l'entreprise soutient que oui. Et justement, Mibridge a dû raccrocher parce que l'entreprise vient de la contacter, donc je pense que c'est en train de discuter. Pas inutile de dire, vous m'avez appelé, vous m'avez pas appelé. D'ailleurs, la meilleure solution quand même en 2018, c'est d'envoyer un petit mail, ça laisse toujours une trace. Je suppose que le fils de Mibridge en a un, comme ça. Oui. Monsieur, nous vous confirmons bien et on ne peut plus discuter après. Mais ces appels où on dit vous n'étiez pas là, etc., c'est toujours compliqué. Donc ça avance, tant mieux. Deuxième cas, c'est Léon. Une agence immobilière doit lui rendre son dépôt de garantie. Il y en a pour 715 €. Et où en sommes-nous, s'il vous plaît, maintenant avec Inly, Eh bien, écoutez, j'étais en communication avec Adeline de la gestion locative. Elle était dans sa voiture. C'était compliqué de pouvoir prendre des notes. Elle a eu la gentillesse de se garer et j'ai pu lui communiquer les coordonnées de Léon Carole qui va être contacté d'ici deux jours. Bon, et parfait. Nous, si on a du nouveau, peut-être avant la fin de l'émission. Ça devrait bien avancer aussi. Et nous avions dit que nous revenions sur le cas de Mawaeb. C'est le moment de le faire maintenant. Rappelez-nous, s'il vous plaît, Maître Fellonneau. Écoutez bien, si vous n'étiez pas là, troisième passage pour la fille de Mawaeb sur l'antenne d'RTL. Bien, cette jeune fille, Maya, s'est fait piquer sa carte d'identité. Elle a déposé plainte, évidemment, mais entre-temps, le voleur ou la voleuse s'était fait passer pour elle en usurpant donc son identité et elle en a profité pour ouvrir trois comptes bancaires, évidemment, pour tirer sur ses comptes bancaires. Maintenant, elle est archi à découvert, fichée à la Banque de France. Et donc, c'est une jeune fille de 20 ans qui commence avec un lourd passif dont elle n'est même pas responsable. Il faut absolument la sortir de là. Alors, on avait écouté Serge Maître qui nous avait dit, grand responsable, vous savez, de l'association qui défend les usagers bancaires. Voilà ce qu'il nous avait dit, ce qu'on peut me confirmer que nous avons le son. C'est parti. Ces établissements viennent à bafouer le droit le plus élémentaire. Il faut en effet rappeler, bah oui, que le principe fondamental inscrit dans le Code monétaire et financier, c'est qu'on ne peut pas être tenu d'une obligation si on n'y a pas souscrit. Il appartient donc aux banques concernées d'annuler premièrement les comptes ouverts sous l'identité de Maya, avec toutes ses références, mais surtout d'annuler les découverts. Ces découverts n'ont pas été véritablement consentis dans le respect du contrôle de la solvabilité du client. C'est une étudiante, rendez compte. Alors, nous avons, rappelons que c'est un vol de carte d'identité, ce qui peut arriver absolument n'importe qui. Rappelons aussi que souvent on se plaint, on m'a piqué des biens matériels, un ordinateur, etc. Mais ce n'est rien à côté d'une carte d'identité qui va vous mettre dans la spirale de l'usurpation d'identité. Pour en sortir, je vous assure, c'est une catastrophe. Même nous, RTL, on galère. Donc, il y avait plusieurs banques qui étaient concernés. Il y avait tout d'abord LCL et LCL, qu'ont-ils dit ? C'était les premiers à réagir avant la fin de l'émission et ils l'ont défiché au niveau de la Banque de France. Il y a eu le crédit de 13 000 euros. Crédit Agricole. Même chose, c'était plutôt le lendemain. Ils ont été un peu moins rapides, mais c'était quand même assez réactif. Vous n'allez quand même pas faire le bégueule dès le lendemain. Et puis, il y avait la propre banque de la fille de Mawaeb, le CIC, qui, elle, rappelons-le, lui a carrément clôturer son compte, fiché, et nous avons appelé. Finalement, un rendez-vous devait avoir lieu. Alors, qui peut m'en dire un petit peu plus ? Mawaeb est en ligne avec nous. Mawaeb, entendez-vous ? Oui, bonjour. Alors, elle devait vous recevoir votre banque, le CIC, avec votre fille. Est-ce que le rendez-vous s'est bien passé ? Oui, il y a eu un rendez-vous samedi matin. D'accord. Au siège de la banque CIC à Bly. Oui. Ça a été cordial. Tout le monde voulait savoir si ça allait être cordial ou pas. Mais dites-nous ce qui s'est dit, s'il vous plaît, Mawaeb. Alors, la directrice nous a confirmé que ma fille a été défichée, ou du moins qu'il y a aujourd'hui la notion identité usurpée sur son compte. Donc, en principe, elle va pouvoir ouvrir un compte. Les éléments confidentiels que la directrice de banque ne pouvait pas révéler, ni à moi, sa maman, au téléphone ni à la radio, c'est un peu un gag, c'est le fait que l'usurpatrice de l'identité de ma fille lui ressemble. Ah c'est ça, d'accord. J'étais contente d'apprendre qu'elle lui ressemble. Bah oui, c'est évidemment, on va pas se mentir, si vous avez une personne d'1m90 qui, admettons, est rousse et blanche, et que vous avez un usurpateur qui mesure 1m55 et qui est noir, on va se dire, tiens, j'ai pas l'impression que c'est le même client que d'habitude. Oui. En général, ils prennent quelqu'un qui ressemble un peu à la photo pour pouvoir ouvrir le compte. Tout à fait. Peu importe. Donc, Mawaeb, est-ce que tout rentre dans l'ordre ? C'était ça l'élément confidentiel qu'elle n'osait pas dire. D'accord. Est-ce que ça rentre dans l'ordre, Mawaeb ? Pour moi, ça rentre dans l'ordre. J'appellerai aujourd'hui la Banque de France. D'accord. Pour savoir que tout ça a été défiché, que ma fille peut ouvrir finalement, grâce à vous et à votre équipe, une... Grâce au CIC, surtout. Merci, Mawaeb. Merci beaucoup. Je suis ravi. Tenez-nous merci vraiment au courant. Merci à vous. Allez, encore merci une fois, au CIC, je leur dis merci. C'était juste une injustice. On n'est pas là pour embêter les banques. Bien au contraire, elles nous servent, les banques. Mais elles n'avaient rien fait, cette jeune fille. C'était terriblement injuste et c'est bien qu'ils en aient pris conscience, comme le LCL et le Crédit Agricole. Business Affaires. La CAPEB accompagne les artisans et les entrepreneurs du bâtiment. Je suis avec Maryse, conjointe d'artisan qui travaille dans l'entreprise familiale. Bonjour Maryse. Bonjour. Alors, quel est votre rôle dans l'entreprise? En fin de compte, j'ai plusieurs casquettes. Le secrétariat, la comptabilité, les tâches administratives, le suivi commercial, la gestion des salariés. Et je sais que pour tout ça, je peux compter sur la CAPEB. Ah oui, et comment ça? C'est simple, je les appelle à la moindre question. J'ai toujours une réponse personnalisée. Vraiment, sur les questions juridiques, réglementaires, l'embauche, les nouvelles normes, ils ont réponse à tout. Mais dites-moi, c'est vraiment très complet. Et oui, et c'est aussi important pour moi d'adhérer à un syndicat qui n'oublie ni le droit des femmes, ni leur statut dans l'entreprise. Finalement, la CAPEB est là pour défendre et représenter l'ensemble du secteur du bâtiment. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Maryse. Pour rejoindre la CAPEB, appelez le 0970 835 836 ou rendez-vous sur capeb.fr. CAPEB, vous conseiller, vous accompagner, vous défendre. Business Affaires. Toyota. Alors, on va vérifier votre vue. Oh, merci, docteur. Regardez mes mains. Combien j'ai de doigts? 20. Très bien. Regardez-moi en face. Là, combien j'ai d'yeux? 4. Exactement. Votre vue est absolument parfaite. Ah. Les 23 et 24 novembre, vous allez voir double pendant le Black Friday hybride Toyota. Faites jusqu'à 25% d'économies à l'achat sur la gamme hybride et en plus, faites des économies à l'usage sur le carburant et l'entretien. Toyota. Offre aux particuliers non cumulables dans le réseau participant sur une sélection de véhicules hybrides en stock identifié. Voir détails sur toyota.fr. Alors? Je vois, 5000 appartements neufs. 5000, c'est bon ça? Oui, très très bon pour l'investissement. Je vois des logements idéalement situés, avec des prestations de qualité. Excellent. Ensuite? Je vois des taux bas et des mètres carrés offerts. Ah bon? Combien? 3. 3 mètres carrés, c'est génial. Et vous arrivez à voir tout ça dans une boule de cristal? Ah bah non, je suis sur le site de Cogedim, c'est plus sûr. Il est mignon. Avant le 21 décembre, Cogedim vous offre jusqu'à 3 mètres carrés sur 5000 logements neufs. Cogedim, vous verrez la différence. Plus d'infos sur cogedim.com. Avec le pack Open Up Fibre Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec mon pack Open Up Fibre, j'ai un super débit et deux décodeurs TV UHD pour profiter de tous mes contenus sur tous mes écrans en même temps. Moi, avec mon pack Open Up, j'ai un forfait mobile 50Go pour partager mes vidéos de Noël. Ma vidéo de bûche a plus de likes que la tienne. Le pack Open Up Fibre 50Go est à 29,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 69,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Like signifie j'aime, offre soumise à condition dont 40€ par mois remboursé pour les nouveaux clients Orange, engagement 12 mois minimum, détail sur orange.fr. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Vous connaissez l'adage selon lequel en France tout se termine par des chansons. Eh bien, dans À la bonne heure, tout commence par des chansons. Et pour ouvrir la semaine, un incroyable duo. Celui que composent Benjamin Biolay et Melville Poupeau en studio, en live, en chanson. Le bonheur dans À la bonne heure. Et À la bonne heure, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec une nouvelle alerte en direct. Alerte sur le dossier numéro 1, le dossier de Mibrige. Son fils loue un appartement dans un état déplorable, mezzanine qui se détache du mur, robinet qui n'est pas fixé, bec de douche fissuré, etc. Que se passe-t-il? Nous avons Mibrige qui est en ligne avec nous. Mibrige, pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît pour cette alerte? Oui, Julien. Donc, je viens d'avoir une entreprise en ligne à l'instant qui propose de venir faire le repérage des travaux et donc un devis d'ici jeudi. C'est donc, super. C'est une bonne nouvelle. Donc, nous avons pris rendez-vous jeudi. Et encore une fois, mettons tout ce qui s'est passé justement dans le passé, Mibridge. Ils ont téléphoné, pas téléphoné, peu importe. Nous, on va de l'avant. Ils viennent, ils font les travaux. Reste le syndic qui nous a dit aussi, je vais faire accélérer les choses. Vous avez deux, trois petites choses à nous dire, Maître Fellonneau? Oui, moi quand même, le propriétaire a conscience de l'état des lieux grâce au constat d'entrée qui depuis le 5 septembre on a bien compris qu'il avait eu affaire à une entreprise qui n'est pas venue et qu'il devait en chercher une autre, mais enfin ça fait deux mois et deux mois d'occupation quand même, faut que ça aille pas vite, normal, il faut que ça aille vite et puis il faut faire un petit geste. Allez, on espère que tout ça va s'arranger. Donc Mibridge, pour nous les choses sont lancées et il faut maintenant se tenir au courant, ce que va faire Céline qui nous fera un point dans pile une semaine. Ça vous va, Mibridge? Très bien, ça me va. Merci beaucoup. Je suis ravi. Écoutez, ça se passe super bien. Bonne journée, Mibridge. Embrassez votre fils. À vous aussi. Bonne journée à l'équipe. Au revoir. Merci, Mibridge. Écoutez, c'est génial. Alors. Mibridge, ça y est, t'auras tes travaux chez toi. Ah, si Sting était là, il le chanterait. Lui qui est venu dans le grand studio RTL et qui nous avait fait non pas ce titre-là, mais je crois Message in the Bottle. Mais quel plaisir de réécouter l'un des plus grands groupes du monde. Rocks. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. what's right, Roxanne. You don't have to pull on the red light, Roxanne. You don't have to pull on the red light, Roxanne. Roxanne. Sur RTL. Il est 10h36, il est grand temps maintenant de nous attaquer au retour. Vous savez que parfois les cas bloquent. Ce matin par exemple, on en a débloqué deux en direct, mais des fois ça prend plus de temps. Vous êtes passé dans Ça peut vous arriver RTL. On ne vous lâche pas. La preuve, on revient sur votre cas. Et nous allons revenir sur le cas d'Alexia. Dont le conjoint a investi 212 000 euros dans un projet de villa pour seniors. La construction est terminée depuis 2014, mais les appartements restent vides et les loyers ne sont pas payés. Et ce qui est catastrophique, c'est quand même une communauté de communes qui a invité des gens à investir dans ces appartements. Cette communauté de communes n'a pas réussi à avoir, ce qui est quand même dingue, les agréments de la préfecture. Donc du coup, il y a des gens à qui on a dit « tu peux mettre 220 000 euros quoi qu'il arrive ». Les loyers seront payés, qu'il y ait quelqu'un ou pas. Eh bien, il n'y a personne et il n'y a pas de loyer. Il y a des gens qui doivent rembourser un truc et vivre à côté. C'est une cata, ils sont pendus. Exactement. Alors, le dossier, hein, il est beau, le dossier. Il y a un beau bail qui dure pendant 18 ans. Tout est parfaitement prévu, sauf qu'il n'y a rien à l'horizon. Mais Julien, quand même, au cours des émissions précédentes, la fameuse autorisation qui faisait défaut, eh bien, le président du groupement de ces communes nous a dit qu'il l'avait et qu'il l'avait depuis le mois de mai dernier. Alors, on se demande encore plus pourquoi les logements sont vides. Charlotte a mené l'enquête, a essayé d'aller plus loin. Dans quelques instants, Charlotte, vous nous en dites plus. On va voir si une solution a été trouvée et j'ai découvert aussi quelque chose d'autre dont je vous dirai un petit peu plus après la pub. Eh bien, nous marquons une petite pause et nous allons avancer dans ce dossier incroyable. 200 000 euros en jeu pour certaines personnes. Vous êtes sur RTL, à tout de suite pour en savoir plus. Bonne semaine à tous. Leclerc. Chérie, du 20 au 24 novembre chez Leclerc, des offres exceptionnelles, des promos, des remises, bref, c'est Black Friday chez Leclerc. Black Friday, Black Friday ? Oui, oui, Black Friday, Black Friday. Et avec cette année encore, plus d'offres sur le site blackfriday.leclerc. Du 20 au 24 novembre. Voilà. Du 20 au 24 novembre, profitez du Black Friday chez Leclerc. Retrouvez toutes nos offres exceptionnelles en magasin et sur www.blackfriday.leclerc. Et quand il y a Black Friday chez Leclerc ? On est chez Leclerc. Salut, moi c'est Geoffroy, Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119 euros seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouet de canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Tiens, tu lis le nouveau détective. Eh oui, il n'y a que dans ce journal que je trouve des histoires passionnantes. Ah, et c'est sur les faits divers ? Oui. Oh, t'as tous les détails de l'enquête, hein. Des témoignages incroyables. Ah, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1. C'est mon petit plaisir du mercredi. Le nouveau détective. Des vérités que vous ne lirez nulle part ailleurs. 1,60€ seulement. Alors, présentez-nous ce régime miracle. Écoutez, il n'y a pas de méthode miracle pour perdre du poids. Par contre, si vous voulez une méthode sérieuse, faites comme j'aime. Comment ça marche ? C'est très simple. Vous recevez chez vous tous vos repas. C'est équilibré, c'est bon, on n'a pas de sensation de faim et vous allez perdre du poids sainement et durablement. Et comment fait-on pour essayer ? Alors, en ce moment, vous pouvez tester son efficacité gratuitement pendant une semaine. Oui, comme j'aime offre une semaine de programme. Appelez le 0800 507 507. 0800 507 507. Condition de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. En exclusivité sur M6, France-Uruguay. 4 mois après leur quart de finale victorieux lors de la Coupe du Monde, les Bleus affrontent l'Uruguay dans un match amical au goût de revanche pour l'équipe d'Edinson Cavani. Et après le match, ne ratez pas un documentaire inédit sur Kylian Mbappé. France-Uruguay, coup d'envoi à 21h en direct du Stade de France, suivi du documentaire Kylian Mbappé, les secrets d'un surdoué, demain sur M6. Diffuseur officiel de l'équipe de France. Avec M6, le foot, c'est gratuit. Intermarché vous propose d'écouter des couteaux Vivo à 1 euro. Chérie, tu me passes le sel, s'il te plaît. Oui, chef. Tu peux éviter de crier comme ça. Oui, chef. Ah non, mais ça va être pénible. Chef. Cuisiner comme un grand chef. En ce moment, les couteaux de cuisine Vivo sont à 1 euro seulement, en collectionnant les vignettes chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 23 décembre, offre réservée aux porteurs de cartes de fidélité. Modalité complète sur collectionvivo.intermarché.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et je précise qu'effectivement, derrière ce France-Uruguay, qui est un peu une revanche, puisqu'on avait dit à l'époque, oui, s'il y avait eu Cavani, est-ce qu'on aurait vraiment battu l'Uruguay, etc. Là, demain, on va en savoir plus. Derrière un documentaire exceptionnel sur le destin et la fabuleuse histoire, dont on ignore beaucoup de détails, de Kylian Mbappé sur M6, chez nos amis d'M6, à 23h, juste après le match. De quoi parlons-nous ? Nous sommes donc sur le cas de ces familles qui ont investi, puisqu'une communauté de communes a dit ben, « construisons des maisons pour seniors, investissez, chers habitants, quoi qu'il arrive, le loyer sera payé, qu'il y ait quelqu'un ou pas ». Finalement, ils n'ont même pas les agréments, alors on se demande comment on a pu en arriver là, mais peu importe. Et des gens sont plantés parce qu'ils remboursent 220 000 alors qu'ils ne devaient rien rembourser puisqu'il y allait avoir les loyers. Et il n'y a plus de loyer, pour l'instant on leur dit ben, « c'est comme ça et pas autrement ». Donc il y a quand même quelques drames humains qui se profilent. Vous avez mené l'enquête pour aller plus loin, s'il vous plaît Charlotte, on vous écoute. Concernant les loyers des investisseurs, j'ai rappelé M. Schmitt, l'administrateur du groupement de communes, pour savoir quelle solution peut être envisagée de son côté pour les loyers impayés. On pourra voir lors de notre prochaine assemblée générale qui est prévue tout début décembre pour proposer aux investisseurs un plan de rédemption. Mais pour ce faire, il nous faut un peu de temps. Ça passerait par un emprunt du groupement ? Un emprunt, ou une ligne de trésorerie, ou une révision du montant du loyer. Il y a différentes hypothèses qui pourront être étudiées. Alors, redites-nous un petit peu ce qui s'est dit, parce que la liaison était pas mal. Elle m'a rappelé ce monsieur que tout le monde écoutait à la radio qui faisait la météo. Michel Simon, je crois que c'était ça. Albert Simon, sur le Poitou-Charentes. Alors, qu'est-ce que nous a dit ce monsieur ? Il y aurait une assemblée générale du groupement de communes début décembre qui permettrait de trouver une solution. Soit ça passerait par un emprunt du groupement, soit éventuellement en augmentant les loyers pour les futures personnes qui vont y vivre. Mais pour l'instant, il n'y a toujours personne. Alors d'ailleurs, il faut savoir que dans le Haut-Rhin, il y a une commune qui a réussi à remplir sa villa et à trouver un équilibre comptable. Mais comme ça a pris du temps, évidemment, pour remplir la villa, la commune a fait un emprunt pour combler son déficit et payer les loyers, ce qui prouve que c'est possible. J'ai aussi rappelé le promoteur, M. Indry, qui dit quant à lui qu'il est prêt à participer à l'embauche d'une personne qui serait chargée de recruter à la fois du personnel et des résidents pour remplir les villas qui manquent de candidats. Mais pour ça, il faut d'abord que la préfecture et le conseil départemental délivrent toutes les autorisations. Je les ai contactés il y a plus d'une semaine et j'attends toujours la réponse. Donc on attend toujours, de quelle préfecture s'agit-il s'il vous plaît ? De la préfecture du Bas-Rhin. Donc le président, qui est le préfet du Bas-Rhin qu'on essaie peut-être de l'avoir, d'avancer ? Monsieur Jean-Luc Marx. Alors, monsieur Jean-Luc Marx, voilà, on n'est pas là pour vous embêter, bien au contraire, on est là pour que quelqu'un dans vos services puisse nous dire pourquoi ces maisons n'ont pas d'agrément, est-ce que c'est bloqué définitivement, que doivent-ils faire ? On est là pour aider parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui ont donné 200 000 euros, qui devaient rembourser les 200 000 euros avec les loyers. Il n'y aura jamais de loyer tant qu'il n'y aura pas d'agrément. Et c'est vous qui détenez la clé, Monsieur Marx. On a appelé donc il y a combien de temps ? Il y a plus d'une semaine, vendredi dernier, la semaine passée. Et depuis une semaine, personne ne nous répond. Si quelqu'un pouvait nous répondre dans cette préfecture, ça serait merveilleux. Monsieur Marx, je compte sur vous. On vous rappelle demain. Alexia, vous avez entendu ce qu'a dit Charlotte ? Oui, bonjour Julien. Bonjour. Oui, j'ai entendu. J'espère enfin qu'on puisse aboutir à de réels engagements, que là, on étouffe, on a ces 1500 euros de crédit qui partent dans des murs invendables tous les mois, on peut rien en faire, ça part tous les mois, et nous, on nous demande pas si on a les moyens de les payer. Là, on est dans une situation... À un moment donné, s'il n'y arrive pas, transformons ça en appartement, qui ne soit pas des appartements médicalisés. Va payer, étant donné que là, ce ne sont pas des appartements habitables, je rappelle, on dirait des petites suites d'hôtels. Ouais. La cuisine est commune, le salon est commun. Bon, mais ça doit marcher, ça marche dans le Haut-Rhin. Bon. Il y a eu toutes les autorisations, si je ne m'abuse. Mais si maintenant les communautés de communes plantent les habitants, on est mal parti. On est là normalement pour être assisté par ces gens-là. J'ose espérer qu'ils vont vite trouver une solution. Hein. Je voulais aussi vous dire qu'au fil de l'enquête sur ce sujet, j'ai découvert que l'Alsace n'est pas la première région concernée par ce type de projet. Un projet quasiment similaire est né dans le sud-ouest en 2005. Il a été conçu par une société qui a voulu reproduire la même chose en Alsace quelques années plus tard, mais qui a fait faillite avant. Et c'est un de ses employés, monsieur Hoppe, qui a repris le projet de l'Alsace. Or, ce projet dans le sud-ouest est un véritable fiasco, selon l'administratrice du groupement de communes que j'ai contacté. Les communes impliquées sont au bord de la mise sous tutelle parce que le projet n'est pas viable économiquement et il y a des procédures judiciaires en cours. Alors, le projet Alsace serait apparemment différent dans son fonctionnement économique, mais ça montre quand même que ces projets sont très compliqués à mettre en place. Vous faites comme vous voulez, mais personnellement je vais réfléchir un petit peu avant d'investir dans ce genre de projet et attendre que la situation se stabilise. Allez, dernier mot. Oui, ce qui est dommage, Julien, parce que ces maisons qui sont dans les villages, ça permet aux familles de rester encore rassemblées. Les personnes âgées peuvent avoir une assistance quand même et ne pas souffrir de la solitude. Ça fait vivre le commerce local des villages. Enfin, je veux dire, c'est une idée qui est vraiment géniale. Bien sûr. Et c'est dommage. Mais laissons mener ces idées par des gens qui savent faire, quoi. Ouais, voilà, peut-être. Nous allons donc attendre Alexia des nouvelles. Nous en aurons très prochainement. J'attends toujours la préfecture. Donc, Charlotte, on se fait un point. 4-5 jours, vous revenez. D'accord, Alexia ? Oui, ben écoutez, je vous remercie encore. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons parler de cuisine dans quelques instants. De quoi s'agit-il ? Nous revenons sur le cas de Daniel. Il a versé 3 536 euros à un cuisiniste, mais la commande n'a pas été honorée. Il attend donc le remboursement de son acompte. 9h30, 11h sur RTL. L'émission qui vous vient en aide par la négociation. À partir de 50 ans, les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Pierre, vous avez 52 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles sont les conséquences dans votre quotidien ? Je suis obligé de me lever plusieurs fois dans la nuit et le manque de sommeil se fait sentir au fil de la journée. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour empêcher les envies nocturnes, commencez par limiter les boissons après 19h. Si ces conseils ne suffisent pas, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Bonne journée avec RTL. Ce temps chez Renault. Ne passez pas à côté du phénomène Black Friday. Il arrive avec un taux exceptionnel de 0,99% pour un crédit sur 4 ans, exclusivement les 23 et 24 novembre dans les concessions Renault participantes. Et un tel taux, ça vaut bien 15 secondes de mention légale. Exemple pour 10 000 euros empruntés, 48 mensualités de 212,55 €, TAEG fixe 0,99%, montant total du 10 202,40 €, taux débiteur fixe 0,74%, frais de dossier 50 € si accordiaque. Voir détails sur Renault.fr. La fille des Templiers, c'est le grand roman de Mireille Calmel. Vous avez lu le tome 1 ? Bonne nouvelle ! Le tome 2 est aujourd'hui en librairie. Vous ne l'avez pas lu ? Deuxième bonne nouvelle ! Les deux tomes vous attendent pour vivre un incroyable roman d'aventure. La fille des Templiers, de Mireille Calmel, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Pendant les 7 jours à prix impressionnants, vivez un Black Friday géant. Chez Géant, la TV 4K UHD Continental Edison 140 cm est à 299,99 € au lieu de 329,99 €. Et aujourd'hui, profitez de moins 20% en plus avec la carte de fidélité ou moins 50% en plus avec la carte bancaire, soit une économie cumulée de 54%. Oui, 54% d'économie. Cette année, la semaine Black Friday, c'est... Remise effectuée sous forme de cagnotte. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Nocibé. Chez Nocibé, c'est Black Friday pendant 10 jours. Chaque jour, 3 ventes flash. 2 produits de grande marque à moins 40% et 1 produit Nocibé à moins 50%. Profitez-en vite en magasin et sur Nocibé.fr. Jusqu'au 25 novembre dans la limite des stocks disponibles dans les magasins participants et sur Nocibé.fr. Fermez les yeux. Imaginez que vous voulez vendre votre bien immobilier. Et là, on vous laisse choisir comment valoriser votre bien, sa visibilité. Et même plus fort, décider de la durée du mandat de l'agence. Maintenant, ouvrez les yeux. Ça sera plus pratique pour pousser notre porte. Stéphane Plaza Immobilier invente pour vous le mandat exclusif à la carte. Le seul mandat que vous déterminez. Venez le découvrir dans l'une de nos agences partout en France. Stéphane Plaza Immobilier. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est 5h. Ben je t'ai dit, les 23 et 24 novembre, c'est le Black Friday chez Nissan. La Micra d'occasion est à 4€ par jour. Je vais pas rater ça. Mais ça sera pas ouvert. Première arrivée, première servie. En plus, elle est fabriquée en France. Ça va partir vite. Nissan, innover autrement. Pour Micra K14 N-Connect ADCI 90, occasion récente, LLD 61 mois, premier loyer 2 250€, puis 60 loyers 120€. Si accordiaque, jusqu'à épuisement des stocks dans les concessions participantes. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Demain, il faudra peut-être que l'on fasse une émission spéciale, que l'on fasse venir un spécialiste pour m'expliquer le principe du Black Friday que je n'ai toujours pas compris. Je croyais que c'était le 23 novembre. Or, il y avait des promotions apparemment qui ont commencé vendredi dernier. Maintenant, j'entends des pubs en disant le Black Friday, c'est toute la semaine, tout le mois, toute l'année. Le Black Friday, c'est jusqu'en 2028. Donc je ne comprends plus rien. Je crois que c'était un jour particulier, mon maître Félodeau. Oui, mais après, normalement, c'était même que pour les achats en ligne. Ça avait été lancé par une grande société. C'est des soldes, en fait, maintenant. Alors, c'était les prix cassés. C'était effectivement des millions de chiffres d'affaires qui avaient été faits en quelques heures par cette société chinoise. Et c'est vrai que là, ça a été... Les gens se sont dit, tiens, il n'est pas bête celui-là, pourquoi on ne ferait pas pareil? Et donc, maintenant, c'est décliné, y compris pour les boutiques qui ont pignon sur rue. Donc c'est une période de solde qui dure voilà, plus longtemps si que prévu. Voilà, si vous voulez des pré-soldes, oui, je croyais que c'était très réglementé. Des promos, en fait. Bon, ok, d'accord. Écoutez, merci pour votre explication, j'y comprends encore moins qu'avant. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que ça soit moins cher. Le reste, après tout, laissons les politiques s'en occuper. Donc nous revenons sur le cas de Daniel dans une seconde, qui nous avait dit ceci, le Daniel. Je vous appelle de Seine-Maritime. En mai 2017, j'ai commandé une cuisine. J'avais versé un acompte de 3 536€. La livraison devait avoir lieu en septembre 2017. Bientôt, cela fera un an et cette cuisine n'a toujours pas été livrée. Alors, que peut-on dire là-dessus, Charlotte, où en est-on? Nous avons réécouté, nous avions eu Monsieur Huccard, gérant de cuisine et cuisine, qui s'engageait à restituer l'acompte. On n'est pas procédurier, et comme vous dites, voilà, nous, notre intérêt, c'est la satisfaction de nos alors, clients. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, on va lui rembourser son acompte. C'est très gentil, monsieur. Et donc, où en est-on, Charlotte? Eh bien, j'ai eu plusieurs fois Monsieur Huccard, le gérant, en ligne. Il promet à chaque fois qu'il va rembourser. Il devait même envoyer un courrier demandant à Daniel de renoncer à toute poursuite en échange du remboursement. Et Daniel va vous dire, à mon avis, qu'il n'a toujours pas reçu ce courrier. Alors, ça sonne, Daniel. Bonjour, Daniel. On est en train de sonner chez nos amis de cuisine et cuisine. Ça veut dire que quand vous entrez dans le magasin, il y a des cuisines. Mais il y a aussi des cuisines. Ça, c'est quoi, monsieur? C'est une cuisine, monsieur. Très bien, vous vendez autre chose? Oui, le monsieur, quoi donc? Des cuisines. Très bien. Contient trop de messages. Donc la messagerie est pleine, comme Alain Hazard, les soirs de victoire de l'équipe de France. Donc nous allons maintenant peut-être avoir un autre numéro à faire. Oui, on essaye le standard de la société. Les parties pour le cuisine et cuisine. Ça me rappelle cette blague. Vous savez que je les raconte particulièrement bien. C'est votre griffe. C'est ma griffe. Quand j'oublie pas la chute, j'oublie le début. Bon, ben le deuxième numéro non plus. Donc, on prend le porte-voix. Monsieur Séval Huccard. Monsieur Séval, S-E-V-A-L, Huccard, de la société Cuisine et Cuisine, ou bien MHR, ou bien Cuisine Escaélite. Apparemment, il y a plusieurs noms. Allô? Oui, il y a plusieurs noms. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous êtes à Deville-les-Rouen. Deville-les-Rouen, 76-250, 201 route de Dieppe. Oui, que se passe-t-il? Je pense que nous sommes avec quelqu'un de Cuisine et Cuisine. Ah, Cuisine et Cuisine? Cuisine et Cuisine? Oui, bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Pardon de vous déranger, je vous appelle. Je vous en prie. Parce que notre ami Daniel, qui est passé plusieurs fois, vous savez, sur RTL, attend toujours le remboursement de l'acompte de 3 536€. Monsieur Huccard nous a dit, je vais payer. Mais alors apparemment aujourd'hui, il n'aurait toujours pas payé. Est-ce que vous savez si monsieur Huccard est là? Non, il n'est pas avec moi. Bon. Il est chez un client. Donc, dites-moi, vous dites, c'est combien le montant exact? C'est 3 536€. Et monsieur Huccard nous avait dit ceci sur l'antenne d'RTL. On aurait monsieur Huccard apparemment en ligne. Alors, attendez, madame, je vais peut-être vous laisser parce que je pense qu'on a peut-être monsieur Huccard. Monsieur Huccard, vous m'entendez?

Le Black Friday est encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour et sur rudecommerce.com, c'est la semaine du Black Friday. Et l'enceinte à commande vocale Google Home Mini est à seulement 29,50€ au lieu de 59€. J'ai pas hésité. Résultat des courses, à ce prix-là, j'en mets une dans chaque pièce. Ok Google ? Tout Carrefour et rudecommerce.com se mobilisent pour vous faire vivre un Black Friday exceptionnel. Profitez de l'enceinte à commande vocale Google Home Mini à 29,50€ au lieu de 59€. Carrefour. Garantie 2 ans, différents coloris jusqu'à épuisement des 8000 pièces. Magasin participant sur carrefour.fr. Rendez-vous le 1er décembre au casino d'Enghien-les-Bains pour le One Man Show. 1er décembre, casino d'Enghien-les-Bains. On va s'éclater, comme on va s'éclater aussi avec notre Stéphane Bern qui nous a préparé, je suppose, une émission aux petits oignons. Absolument, absolument, mon cher Julien. Je suis très bien entouré avec Melville Poupeau et Benjamin Biolay qui sont deux de mes héros dans la vie, donc ça tombe bien. Eh bien, on écoute ça avec impatience, mon Stéphane. Merci, Julien. Avec vos héros. On se retrouve demain matin à 9h30 en direct.